Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, les délires de Michael Youn. Sam est coursier. Il sillonne Paris, souvent au mépris des règles élémentaires du code de la route. Alors qu'il doit impérativement assister à un mariage pour tenter de sauver son couple avec Nadia, il n'a pas d'autre choix que d'accepter une course urgente pour son boss. Course qui va faire de cette journée le pire cauchemar de sa vie. T'es où là ? Dans Free Express, il y a Express. Free Express, zéro stress. Bonjour monsieur, papier s'il vous plaît. Papa ? Depuis quand t'es écolo, tu traites même pas les ordures ici ? Bah, la voix. La poubelle jaune sert à quoi ? Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Sam, j'ai une urgence. Non, non, je peux pas, j'ai le mariage de la sœur de Nadia. C'est un client très important. Non, non. Oh, écoute, tu fais ta prime. Ok, j'arrive. Quoi ? Ok, j'arrive. Et j'en ai que pour 10 minutes. J'ai ma prime ! À remettre en main propre. À partir de maintenant, tu es notre coursier. C'est fini, le coursier, là ! Il est off, ok ? C'est quoi cette histoire de chambre, de clé ? Et une meuf aussi, là, c'est ça ? Enchanté. Il n'y a pas ma prime. Non, mais moi, c'est tout ce qu'on m'a donné. Ta gueule, ma prime, 100 000. 100 000 euros juste pour transporter une mallette ? Tu t'es vu dans ta pauvre robe Kiabi, là ? Kiabi, la mode à petit prix, voilà. On est en retard au mariage de ma sœur, ça ! Et toi, juste, t'as un rancard dans un hôtel avec une meuf ! Nadia, c'est pas du tout ce que tu crois ! Coursier, une comédie d'Hervé Renaud avec Michael Youn, un DVD Fox Pater repas.